chers auditeurs, ici vous parle le podcast au Créateur. Et toutes les semaines, je citerai un poste qu'aura l'adoration de toute la semaine. Le poste de cette semaine s'appelle le réflexe miroiré, que je passerai à citer. La peinture est venue comme substitute et de certaines manières à perfectionnement de l'image miroirée, initialement dans les lacs, et qui n'existait pas encore dans l'époque en que celle-ci est apparue et a été prise en compte par la première fois comme reconnaissance de l'image de l'homme lui-même. On voit dans la peinture ce qu'on voit dans le miroir, c'est-à-dire le réflexe de vie en donnant substance à l'âme d'une incarnation. Le réflexe, c'est l'ébauche et le parallèle de la vie d'un être intelligent, car pas plus qu'aucune espèce se voit au miroir. La peinture vient apporter l'image réfléchie dans les lacs, un essai de compréhension, une introspection de l'âme humaine elle-même. La peinture est venue plus tard révolutionner l'épurement de la vérité des faits. Quand il s'agit des faits d'une personne criminelle à la cour dont il y a toujours une personne qui dessine une image de l'accusé, dont celle-ci est utilisée en termes d'esquisse et point de départ pour la détection, formation, constitution et évaluation d'une image du caractère d'un individuel avec caractère criminel. Et parce que d'une pesage d'un individuel, il y a toujours plus qu'une copie, et donc peuvent être un plus d'une nature haute demeure. De la même façon, il y a plus qu'une place de l'homme dont l'homme sera présent au-delà de la terre, dans le ciel. Et c'est la fin du poste de 6 juin de 2006. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans le blog intitulé « Au Créateur Éterne », écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Au Créateur Éterne » et « Au Verbe », écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter « Sore », le premier mouvement des 6 valses opus 17.